discipline, mais c'est trop de style. Yeah, l'architecte, le compas dans l'œil, hein. J'suis en admiration comme ma gosse face au ciel étoilé. J'peux pas me dire si elle me repousse, devrait m'en éloigner. J'écris ces maladifs et c'est pour ça que ce texte est soigné. J'n'ai pas la clé de la serrure donc t'effonce la poignée. A chaque fois c'est la même, j'ouvre toujours la mauvaise. J'balance pas de paroles en l'air puisque les mots restent. Pour une fois j'écris des rimes simples et ça change. Ça me gave déjà pire qu'un gosse qui doit ranger sa chambre. Je sais que j'ai une belle plume car c'est sur les cris gros que j'ai misé. Je lâche ce texte à froid, j'me préserve comme ce type cryogénisé. J'cryogénique c'est normal si j'bute la prod jusqu'à la fin. Attache à la liberté, je ne sais pas comment faire Aladdin. J'ai assez de piste que j'rappe donc j't'avertis que j'me lasse. On a écrit deux phases, mon gars j'évite le drame. Et si j'm'équipe de l'âme c'est pour découper la prod. J'suis dégoûté à force d'écouter les couplets que j'amorce. Ouais ouais. Je rappe toute la nuit et j'écris des rimes embrassées. J'sais pas ce que j'ferais sans ça mais j'pense assez à ces talents cachés. J'ai pas le temps de taffer, j'm'en fous grave de l'argent que t'as fait. J'préfère largement rapper, gratter des lignes dans ce carnet. J'ai perdu trop de fois, premier tour mais ça n'arrivera plus. Non c'était pas la première fois qu'un artiste rap tu. J'tiens mes promesses car je n'en fais qu'à moi-même. J'travaille plus que sur mes textes et ça fait 4 mois mec. J'protège mes arrières car j'reste toujours sur ma position. J'développais mon arrière et aujourd'hui j'écoute chaque opinion. Faut pas se précipiter, j'écris des récits très précis. Kick sec, j'allume la mèche puis j'suis comme une dynamite qui pète. Continue de gratter si t'as du mal à la société. Rime, j'en ai marre d'écouter les propos que la société prime. Mon égo trip sur le fait que j'gratte que des égotripes. Et j'suis pas du rap pour plaire mais pour tout négocier. Ouais, j'suis pas du rap pour plaire, mais pour tout négocier. Du rap et le whisky tout l'après-midi, le soir plus rien ne m'atteint. J'place une casse d'ocyte aussi, c'est tous les poteaux de Marsin. J'démarre ce morceau et les couplets sont lascous. J'offrais pas de cadeau, non, j'ai pas de grand sac rouge. J'gratte plus de 100 phases lourdes et la ture sont lascous. J'avoue que j'crache tous mes rimes en buvant de la chouffe. Tu me crois gamé, l'art et là j'arrive à vous le transmettre. J'fais des kamehameha que j'aligne, chaque jour j'transperce. Des multitudes de MC, j'fais péter les Walkman. J'ai le blues comme A2H, donc je l'écoute sur mon Walkman. J't'assure que j'laisserai de sacrées marques en guise de rappel. Je suis perdu dans l'océan, c'est comme l'île de Rachel. Les compétences, y'en a plus de 1000 que j'suis atterri. J'avais les cartes en main et j'suis devenu un as des rimes. L'encre et l'huile coulent sur la feuille et le temps s'effrite. L'histoire est racontée par les vainqueurs, donc il était temps que j'écrive. On est dans la même pièce, mais pas dans le même monde. C'est clair dans ma tête, puisque je ne joue pas le mec sans ombre. L'union fait la force, donc on arrive en ombre. Oui, je crache des rimes crades plus vite que mon nom ombre. J'suis pas dans l'entourage, mais dans le lien y'a aucun traître. Apprenti éternel, c'est ce que j'suis, j'm'élève au rang des maîtres. Pour atteindre le sommet, j'ai gravi la pente qui est terrestre. Le projet, c'est pour un tas de gens qui kiquent mes textes. Et ouais, j'fais vriller des mecs, comme s'il y avait un deuxième. Moi, le flow est calibré, j'gratte avec une plume meurtrière. Quoi, pourquoi tu me regardes comme ça quand j'improvise? J'brille dans le noir, j'crie sans foi, j'suis un prodige. Encore un cran que j'nique, hein, j'écris tant de pages. J'monte d'un cran, j'crois que j'suis accro car j'déprime sans le rap. J'ai le spleen du romancier, donc j'tisse du romancien. J'maîtrise sans foi, mieux que vous le placement des rimes en soi.